Merci Emmanuel Cartier au milieu de nous. Merci Emmanuel Cartier a choisi de faire ta demeure dans nos vies. Merci Emmanuel Cartier ne nous abandonnera jamais. Merci Emmanuel, tu mérites que nous puissions encore une fois t'acclamer. Tu mérites que nous puissions t'acclamer. Tu mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Mais Alléluia, t'appartient. Mais Alléluia, seulement à Dieu. Alléluia, yetu ni kwa Bwana mwenyewe. Il le mérite. Anastahili. Il mérite que nous puissions dire alléluia. Anastahili tumwambie alléluia. Il est celui qui fait des grandes choses. Ni yeye anafanya mambo makubwa des merveilles dans nos vies. Anatenda mambo ya ajabu kwa maisha yetu. Il est celui qui nous étonne. Ni yeye ambaye anatushangaza. À chaque instant. Kwa kila wakati. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous continuons avec notre sous-thème. Naendelea na mada yetu ndogo. La réussite dans la vie sociale. Kuweza katika maisha ya jamii. Bien-aimé. Mpendwa. Si le Seigneur te permet de rester ici pendant les 30 quelques jours. Kama Bwana nakuruhusu kubaki mahali hapa muda wa hiyo siku 30. C'est puisqu'il est déterminé à te faire réussir. Ni kwa sababu anapenda akutendee mema. Alléluia. Amen. Il est décidé. Ameamua kukutendea mema. Après ce tournant, tu n'as pas raison d'échouer. Baada ya mkutano huu, hauna haki ya kushindwa. Puisque tu es en train de fermer ta boutique à 14h. Kwa kuwa uko nafunga duka yako kwa saa mnane. Pour venir dans la présence ili uje katika mkutano huu. Il y a d'autres qui ont pris des congés au travail. Kuna wengine ambao wamekamata likizo ndani ya kazi. Puisqu'ils sont décidés. Kwa kuwa wameamua kuweza. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est au rendez-vous. Na Bwana Mungu iko miongoni mwetu. Depuis ces deux jours, nous étions en train de parler de la réussite dans la vie sociale dans notre grâce IG. Kwa siku mbili hizi tunakuwa tukizungumzia kufanyikiwa katika maisha yetu ya jamii. Dans notre grâce IG de tout ce qu'il fait lui réussit. Ndani ya mada yetu kubwa yote anayoyatenda anafanyikiwa. Et hier nous avons parlé de règles de vie dans la communauté. Na jana tumezungumzia kwa kanuni za maisha katika jamii. Nous avons parlé de comment nous devons vivre dans la société. Tumezungumzia namna gani tunaweza kuishi katika jamii ili tuweze kufikia kushinda. Je n'ai pas besoin de faire la répétition de ce que j'ai dit hier. Si vous n'étiez pas là hier, vous pouvez acheter les messages à 500 francs. Sina haja ya kurudia ile ambayo nimezungumza jana. Kama hukua hapa jana unaweza enda kwenye kununua hiyo maandishi ya jana kwa kitabu ya vitabu. Mais en bref, nous avons dit. En bref, nous avons dit que chacun a un rôle à jouer dans la société. Kwa kifupi chacun a une place. Kila mmoja ana kazi ya kutenda ndani ya jamii na kila mtu ana nafasi yake. Et chacun doit garder les limites que le Seigneur lui a données. Na kila mmoja anapaswa kuchunga mipaka yake ambayo Mungu amemupatia. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que nous avons suivi depuis le début de ce tournant, tangu mwanzo wa mkutano huo, il y a certaines choses kuna mambo fulani fulani qui peuvent nous empêcher d'arriver à la réussite. Ambayo yanaweza kutuzuia tufikie kufanyikiwa. Vous pouvez vouloir vivre dans la société comme il se doit. Unaweza kutamani kuishi ndani ya jamii kama vile inavyostahili. Vous pouvez faire les combats spirituels et lier et ligoter faire tous les termes là que vous connaissez. Unaweza kufanya vita vya kiroho, kupiganisha, kufunga yale yote ambayo unayaelewa. Et jeter tous les démons na kutupa mapepo yote, là où vous pouvez les jeter dans les lieux arides. Mahali ambapo unaweza kuzitupa huko kuzimu. Mais j'aimerais parler de quelque chose sur lequel nous devons travailler. Lakini napenda nizungumzie kitu kimoja ambacho inabidi tutumikie. Afin que notre réussite soit effective. Ili kushinda kwetu kukue kwa maana. Et si nous ne travaillons pas sur cette chose-là, na kama hatutumike juu ya jambo hili, nous allons continuer à lutter. Tutaendelea kupigana na kupigana. Et nous allons nous poser la question, pourquoi je n'arrive pas à réussir? Na tutajiswali kwa nini mimi sifaulu? Pourquoi je suis toujours tel que j'ai commencé le tournant? Kwa nini mimi niko namna vile nilivyoanza? Pourquoi ma vie ne change pas? Kwa nini maisha yangu haibadilike? Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous allons parler du cœur. Kwa siku ya leo tutazungumzia moyo. Le cœur de l'homme. Moyo wa mwanadamu. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, les versets 9 à 10. Prenons nos Bibles, lisons Jérémie. Tusome katika kitabu kia Jérémie. Jérémie chapitre 17. Jérémie sura 17. Verset 9 à 10. Mustari wa kenda mpaka wa kumi. La Bible nous dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut les connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen. Tu peux lire en swahili. Jérémie sura 17 mstari wa 9 hadi wa 10 tusome. Moyo ni mdanganyifu kuliko vyote, una ugonjwa wa hatari. Nani anaweza kuujua? Mimi Bwana ninapeleleza moyo, ninajaribu viuno hata kumpa kila mtu yanayopasa kwa njia yake, kwa matunda ya matendo yake. Amina. Amen. Bien-aimé, mpendwa, j'aimerais te dire que la vie de l'homme, nilitaka nikwambie maisha ya mwanadamu, commence dans le cœur. Inaanza ndani ya moyo wake. Le cœur est le siège de tout ce que nous pouvons voir à l'extérieur, sur l'homme ou dans la vie de l'homme. Moyo ni makao ya haya yote ambao tunaweza kuona nje ya maisha ya mwanadamu. Le cœur est le siège de la conscience. Moyo unaketisha uzamiri. Le cœur est le siège de tous les caractères dont le pasteur Adassa a parlé la fois passée. Moyo ni makao ya haya hali yote ambao mtumishi wa Mungu Adassa amezungumzia mahali hapa. Il nous a parlé de certains caractères des gens. Ametuzungumzia hali fulani fulani za watu. Entre autres, les impulsifs, les sanguins, les phlegmatiques. Ndani yake kunakuwa wale watu ambao wanakuwa na moyo ambao haushtuke, wale ambao wanakuwa na moyo usiokuwa na huruma, na wale ambao wanakuwa na moyo wa kasirani. Toutes ces choses-là, lorsque nous regardons l'homme comme ça, haya yote wakati tunapomuona mtu namna hivi, nous ne pouvons pas les voir. Hatutayaona. C'est caché dans le cœur. Yamevichwa ndani ya moyo. Et ça peut transparaître de temps en temps. Na yanaweza kutokea mara nyingi. Lorsque on provoque cette personne. Wakati unamujaribu mtu huyu. Mais tant que la personne n'est pas provoquée. Kama hauyajaribu mtu huyu. Quand tu regardes la personne. Wakati unatazama mtu. Tu dis que ça c'est une bonne personne. Unasema huyu ni mtu mzuri. Alléluia. Amen. Tous tels que nous sommes ici. Sisi wote kama tunakuwa mahali hapa. Nous sommes très calmes. Tunakuwa wenye kuwa na kimya. C'est puisqu'on ne nous a pas encore provoqué. Mais dans nos cœurs, il y a des choses qui se cachent. C'est la raison pour laquelle, ndiyo maana, si vous voulez réussir dans votre vie, kama unapenda kuweza katika maisha si yako, vous voulez accomplir la mission qui est attachée à votre nom divin, kama unapenda kutimiza kazi ambayo inakuwa juu ya jina lako, bien aimé, vous êtes appelé à travailler mupendwa, sur votre unaalikwa kutumika juu ya moyo wako. Le roi Salomon a compris ces choses. Mfalme Salomon ameelewa mambo haya. Lorsqu'il a été nommé roi d'Israël. Wakati ametawaza kuwa mfalme wa Israeli. Il a formulé une prière auprès de Dieu. Aliomba maombi haya mbele ya Mungu. Cela nous le voyons dans 1 Jean chapitre 1 roi chapitre 3 le verset 9. Maneno haya tunayapata katika kitabu kia kwanza kwa Wafalme sura 3 mstari wa 9. Il a dit au Seigneur, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Alimwambia Bwana, patia mtumishi wako moyo wa akili ambao unaweza kuleta mshauri ndani ya taifa lako. Il a dit que si Dieu ne travaille pas sur mon cœur. Alijua ya kwamba kama Mungu hatumike juu ya moyo wangu. Si Dieu ne change pas mon cœur. Kama Mungu habadilishe moyo wangu. Si Dieu ne transforme pas mon cœur. Kama Mungu habadilishe moyo wangu. Je ne serai pas un roi selon le cœur de Dieu. Sitakuwa mfalme kama vile moyo wa Mungu. Et au lieu de diriger ce peuple, na kuliko niongoze taifa hili, je risque de régner sur eux et commencer à les faire souffrir. Ninaweza kuwatawala nikiwatesa. C'est la raison pour laquelle il a formulé la prière. Dieu maana alitia ombi. Et le Seigneur, tellement qu'il est intéressé par le cœur de l'homme, na Mungu kama vile anajumulishwa na moyo wa mwanadamu, il a écouté, il a exaucé directement la prière de mara moja maombi ya Solomon. Et il a dit, je vais te donner un cœur sage et intelligent. Na akasema nitakupatia moyo wa hekima na wenye akili. Bien aimé, pour réussir dans ta vie, mupendwa, ili uweze katika maisha yako, tu as besoin de cœur sage. Una haja ya tu as besoin de cœur intelligent. Una haja ya moyo wa akili. Si quelqu'un est sage, kama mtu ni mwenye hekima, si quelqu'un est insensé, kama mtu hana akili, toutes ces choses-là proviennent du mambo cœur. Haya yote yanatoka katika moyo wake. Envoyer quelqu'un seulement comme ça, vous ne pouvez pas seulement dire quelqu'un n'a rien dit. Et puis vous voyez seulement la sagesse ou bien vous voyez qu'il est insensé. Ukimwona mtu tu hivi hautajua kama yeye ni mwenye akili. Mais les choses là ils sont cachées dans le cœur de l'homme. Lakini mambo haya yamefichwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Et ce sont des choses qui transparaissent et qui sont lorsqu'ils sortent dehors. Na ni mambo ambayo wakati natoka nje. Ce sont des choses qui se manifestent dans nos caractères, dans nos paroles, dans notre comportement. Ni mambo ambayo yanaonekana katika hali yetu ya kuishi. Mais ce n'est pas écrit sur nos visages. Lakini hayaandikwi juu ya uso yetu. Matthieu chapitre 12, le verset 34 dit ceci. Matayo sura 12. Jésus était en train de répondre aux pharisiens. Matayo sura 12, mstari 34, Yesu alikuwa akijibia wafarisayo. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Kizazi kia nyoka, namna gani munaweza kusema maneno yenye hasira? Maana ni kwa kinywa inatoa maneno ambayo imejaa ndani ya moyo. Meshake vous êtes. Kizazi kia les bonnes choses vont sortir d'où? Kizazi kenye uso mbaya, maneno mazuri anaweza kutoka nafasi gani? Jésus a compris toutes les choses que toutes les fois qu'on pouvait dire des choses mauvaises sur lui. Yesu il comprenait que ça provient de leur cœur. Yesu alielewa maneno yote ça mabaya montre ce qui est caché dans le cœur. Yanatoka ndani ya moyo. Et la parole de Dieu nous dit dans le même passage au verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses de son beau trésor et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Na katika maneno haya kwa mstari wa 35, Biblia inatuambia ya kwamba vitu vizuri mwanadamu anavitosha ndani ya moyo wake na vitu vibaya anavitosha ndani ya moyo wake. Les mauvaises choses, vitu vibaya qui transparaissent à l'extérieur de nous, ambavyo vinaonekana nje, nous les tirons de notre cœur mauvais. Tunavitosha ndani ya moyo wetu mbaya. Et les bonnes choses nous les tirons dans notre trésor qui est bon. Na vitu vizuri tunavitosha ndani ya moyo wetu ulio mzuri. Donc notre cœur peut cacher et les bonnes choses et les mauvaises choses selon que nous-mêmes nous les mettons dans notre cœur. Moyo wetu unaweza kuweka vitu vizuri, inaweza kuweka vitu vibaya vile vile tunavyovitia sisi wenyewe ndani yetu. Puisque notre passage a dit le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur est mauvais. Usomi wetu umesema ya kwamba roho ya mwanadamu ni mbaya. Donc nous devons comprendre que les bonnes choses et les mauvaises choses proviennent. Tunaweza kuelewa ya kwamba vitu vizuri. Vous ne pouvez pas commencer à faire de mauvaises choses et dire que votre cœur est bon. Puisque avant de poser un acte, ça commence d'abord dans le cœur. Hauwezi kuwa ukitenda mambo mabaya unasema wewe ni mtu mzuri kwa kuwa vitu vyote vinaanza ndani ya moyo wetu. Même quand vous imaginez quelque chose, ça commence toujours dans le cœur. Hata wakati unapofikiria kitu fulani kinaanza ndani ya moyo wako. Mais heureusement, heri que Jésus-Christ est venu. Yesu Kristo amekuja. Il peut travailler sur notre cœur. Anaweza kutumika juu ya moyo wetu. Et notre cœur peut changer. Na moyo wetu unaweza kubadilika. Notre cœur peut être transformé. Moyo wetu unaweza kubadilishwa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque même nous prenons l'initiative ou la décision de nous repentir. Hata kama tunapokamata hatua ya kuomba msamaha, nous nous repentons des choses qui sont dans le cœur. Tunaomba msamaha kwa mambo ambayo yanakuwa ndani ya moyo wetu. Même le salut. Hata wokovu. Lorsque nous sommes sauvés, le salut commence dans le cœur. Wakati tumeokolewa, wokovu unaanza ndani ya moyo. C'est dans notre cœur que nous pouvons prendre la décision de dire aujourd'hui, j'accepte, je décide de recevoir Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ni ndani ya moyo wetu tunaweza kukamata maamuzi ya kwamba leo nampokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mais tellement que notre cœur doit être travaillé. Kama vile moyo wetu unapasha kutumikiwa. Nous ne devons pas seulement nous limiter au fait de je viens de recevoir Christ. Hatuwezi tu kubakilia mahali moja nimempokea Yesu. Mais nous devons continuer à exposer notre cœur à Dieu afin qu'il puisse travailler sur notre cœur. Lakini tunaendelea kutia moyo wetu tayari mbele ya Mungu ili aendelee kutumika juu ya moyo wetu. Pour qu'il y ait le changement et la transformation ili et que cette transformation puisse transparaître dans notre vie de chaque jour. Na mabadiliko haya yaende kuonekana katika maisha yetu ya kila siku. Alléluia. Amen. Je sais que nous sommes ici dans le tournant, chacun a des requêtes, une liste de requêtes. Ninajua tunakuwa katika mpango huu na kila mmoja anakuwa na mahitaji yake. Combien de gens ont dans leur liste le sujet de prier pour leur cœur? Nani miongoni mwetu anakuwa katika mahitaji yake kuombea moyo wake? Combien? Wangapi? Vous savez que le cœur ça doit être le premier sujet. Unajua ya kwamba moyo ndio unapaswa kuwa hitaji la première requête. Inapaswa kuwa hitaji la kwanza. Lorsque avant que Dieu nous réponde. Mbele Mungu atujibu. Il regarde d'abord notre cœur. Anaangalia moyo wetu. Comment est notre cœur pour que Dieu nous donne ce que nous sommes en train de lui demander? Moyo wetu uko na hali gani ili Mungu atupatie yale ambayo tuko tunamuomba? Bien-aimés, souvent nous demandons les choses matérielles à Dieu, nous demandons des voyages, nous demandons de l'argent. Mupendo mara mingi. Mais nous oublions notre cœur, pourtant c'est ce qui est prioritaire. Mupendo mara mingi tunakuwa na mahitaji ya mambo ambayo yanapita. Ijapokuwa tunaweza tukaombe kwanza juu ya moyo wetu ambao ni mjambo la kwanza. Le fait que la Bible nous dise que le cœur de l'homme est tortueux, ça devait être le premier sujet. Vile Biblia inatuambia roho ya mwanadamu ni ngumu, hiyo ndiyo inge Pour que Dieu travaille d'abord sur notre cœur avant de nous donner ce que nous sommes en train de lui demander. Puisque si nous restons avec ce cœur tortueux, ce cœur mauvais, même lorsque nous allons recevoir l'exaucement de la prière que nous sommes en train d'adresser à Dieu, au lieu que l'exaucement soit une bénédiction pour nous, cet exaucement risque d'être un malheur pour nous. Il n'y a que Dieu qui peut connaître le cœur de l'homme. Même quand tu regardes celui qui est assis à côté de toi, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui ajoute une autre requête dans tes requêtes. Prie pour ton cœur. Seigneur, délivre mon cœur. Guéris mon cœur. Ponya moyo wangu. Sauve mon cœur. Transforme mon cœur. Badilisha roho yangu. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, avant d'exaucer mes prières, exauce d'abord la requête de mon cœur. Avant de me donner un poste, guéris d'abord mon cœur. Bien aimé, si tu n'as pas un cœur guéri, un cœur délivré, le Seigneur te donne une promotion comme ça. Oh, c'est tout. Mais tu ne viendras plus à l'église. Na, chaque jour, ce sont des raisons. Quand le pasteur te demande, frère, mais depuis que tu es passé ici pour témoigner, tu ne vas plus à l'église. Oh, j'étais avec les amis. C'est un problème de cœur. Ne manque pas d'ajouter la requête. Là, Dieu va t'exaucer vite. Dieu nous voit. Peut-être c'est même la raison pour laquelle tu es entré dans le premier tournant, deuxième, quatrième. Je ne sais pas si nous sommes au quantième. Tu pries pour la même requête et le Seigneur n'a jamais exaucé. Puisque le Seigneur s'est dit, avec, quand il regarde le cœur, il s'est dit, avec ce cœur, si je sais seulement de lui donner ce qu'il est en train de me demander, je le perds. Mieux vaut qu'il reste dans ma maison, je ne lui donne pas ce qu'il demande. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons travailler sur nous. Dieu ne regarde pas tel que nous regardons, nous les hommes. Nous les hommes, nous regardons seulement l'apparence extérieure. Nous voyons la personne, les smarts, bien habillés. Il est en train de fermer les yeux, il élève les bras. Pendant l'adoration, nous disons ça, c'est une bonne sœur. Ça, c'est un bon frère. Regarde un peu celui qui est à côté de toi. Tu vois combien il est beau. Tu vois, elle est belle. Tu penses que, n'est-ce pas que celui qui est à côté de toi a vu que tu es beau et que tu es belle. Tu penses que si le Seigneur lui donne l'occasion de regarder dans ton cœur, il va continuer à rester là-bas à côté de toi. Ou bien il va fuir. Il y a des gens qui ont des cœurs pourris à cause des mauvaises choses qu'ils ont accueillies dans leur cœur. Et si le Seigneur pouvait te donner seulement les yeux de regarder, quand il vient seulement de là, toi tu prends un autre chemin. Bien aimé, demandons à Dieu de nous donner même les yeux spirituels pour voir ce qui est à côté de nous, autour de nous. Ça va nous aider même à mieux aider les gens. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 27, le verset 19 nous dit que quand vous regardez dans l'eau, inasema unapotazama ndani ya mwanadamu, vous voyez dalo, unapotazama ndani ya maji, vous voyez votre visage, unaona uso wako, mais aussi le cœur, lakini pia moyo. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Moyo wa mwanadamu unajibu kwa moyo wa mwanadamu. Vous savez que notre cœur c'est comme un miroir. Tunajua kama moyo wetu ni kama vile kio. Et c'est lorsque nous regardons dans notre cœur, c'est ce qui est dans notre cœur qui transparaît à l'extérieur de nous. Vous savez que quelqu'un peut avoir l'image de lui-même et avoir une bonne image de lui-même. Mais essaie de regarder un peu dans ton cœur. Les gens qui sont autour de nous, on a tout pas calé, ma foute, on a pas mutu muzuri. Toi, tu es une bonne personne. Toi, tu es une bonne personne. Tu es gentil. Mutu muzuri. Mais toi-même, quand tu regardes dans ton cœur, tu te vois. Tu dis vraiment ce que c'est que celui-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que lui, il regarde seulement l'apparence. Nous devons demander à Dieu de guérir nos cœurs. Que Dieu nous donne la guérison de nos cœurs et la délivrance de nos cœurs avant de nous donner les choses matérielles. Jacob a demandé à Dieu, il a formulé la prière devant Dieu. Seigneur, si tu m'es béni, il a demandé la prière, la bénédiction à Dieu. Jacob a demandé à Dieu, ukinibariki. Et la Bible nous dit que son nom, il s'appelait, la signification de Jacob, c'était usurpateur. Et il vient devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux que tu me bénisses. La Bible nous dit que l'ange est venu. Il a combattu avec l'ange. Et malaika. Il a dit, je ne peux pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Et le Seigneur connaissait le cœur de Jacob. Il s'est dit, toi, tu as d'abord besoin que ton nom change. Il faut que tu changes d'abord. Nous devons d'abord changer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut formuler cette prière ce soir et dire, Seigneur, ce soir, je n'aimerais pas rentrer avec mon cœur tel que je suis venu. Change mon cœur, Seigneur. Change-moi. Que ce soit ta prière ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Biblia inatuambia katika kitabu kia Ezekia, sura 36, mstari 26, nitawapatia roho mpya, nitatia ndani yenu roho mpya, na nitaondoa hiyo roho ya nyama ndani yenu. Dieu veut nous donner un cœur de chair. Il veut ôter ce cœur de pierre. Acceptons. Disposons-nous pour que Dieu puisse changer notre cœur. Qu'il nous donne le cœur de chair. Qu'il ôte ce cœur de pierre à nous. Alléluia. Amen. Nous avons besoin que nos cœurs changent. Si nous voulons réellement réussir notre mission, laissons à Dieu de changer et à transformer nos vies. J'aimerais que nous puissions voir quelques différentes sortes de cœurs. Il y en a beaucoup. Kuna mengi, si vous parcourez la Bible, kama utachunguza Biblia, mais nous allons voir 8 sortes. Tutaona namna nane ya moyo. Le premier cœur, c'est un cœur troublé. Moyo wa kwanza ni moyo ambao umechanganyishikiwa. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14 et le verset 1er. Biblia inatuambia katika kitabu kia Yohane sura 14 mstari wa kwanza. Que votre cœur ne se trouble point. Moyo wako usichanganyishiwe. Croyez en Dieu. Mwamini Mungu. Croyez en moi. Na mniamini mimi. Un cœur troublé, c'est un cœur qui se préoccupe des choses de la terre. Moyo ambao umechanganyikishiwa ni moyo ambao unashurulikia mambo ya dunia. Cœur troublé c'est un cœur qui n'a pas la foi, qui ne croit pas. Moyo ambao umechanganyikiwa ni moyo ambao hauna imani. Quelqu'un qui a un cœur troublé, même s'il est dans la maison de Dieu, même s'il est en train de prier, même si nous avons les promesses de Dieu, mais il ne croit pas à ces promesses là. Mtu ambaye anakuwa na moyo ambao umechanganyikiwa, hata kama anakuwa ndani ya kanisa, hata kama anakuwa na ahadi, yeye haangaikie mambo haya. Même lorsqu'il est ici dans le tournant décisif, il est en train de prier. Et que l'homme de Dieu a dit vos prières sont exaucées. Dès qu'il sort seulement, il arrive là-bas devant la porte. Il commence à se dire, ah, j'ai besoin du loyer. Est-ce que vraiment? D'ailleurs, que des mots vont me chasser de la maison. Il vient de prier pour cette requête-là. Mais il dit, je ne sais même pas là où je vais avoir l'argent. Il annule toutes les prières avec l'incrédulité. Un cœur troublé. Quelqu'un qui a un cœur troublé ne croit à rien. Même si par exemple Sarah a un cœur troublé. Et que je lui dis, je vais te donner 10 dollars. Et que c'était vraiment son besoin. À chaque instant, il va commencer à dire, est-ce qu'elle ne m'a pas trompé? Elle ne me croit même pas. Même si je lui ai montré ça pour dire, je pars chercher l'échange. Elle ne croit pas que je vais lui donner ça. Un cœur troublé, c'est un cœur qui n'a pas confiance à Dieu. Il n'a pas confiance. Malgré tout ce que le Seigneur a déjà dit, tout ce que le Seigneur a déjà prononcé sur la personne. Mais il continue à se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que nous allons manger? Comment nous allons vivre? Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui vit dans les lamentations. Quelqu'un qui a un cœur troublé. Bien-aimé, si tu veux réussir dans la vie, il faut demander à Dieu de guérir ton cœur. Dieu ne marche pas avec les gens qui ne lui font pas confiance. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance, puisque c'est un père responsable. Alléluia. Amen. Dieu c'est un père responsable. Lorsqu'il te promet quelque chose, il va le réaliser. Pourquoi tu ne veux pas croire? Pourquoi tu continues à te poser des questions? D'ailleurs, j'ai déjà 25 ans. Qui va m'épouser? Mais Dieu t'a dit que les années sont des chiffres. Ce sont des chiffres. Et puis, la Bible nous dit, mille ans pour Dieu, c'est comme un jour. Un jour pour Dieu, c'est comme mille. Peut-être tu penses que tu as déjà fait 50 ans, mais Dieu voit que tu viens de faire quelques secondes. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble pas. Crois à Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Croyons à Dieu. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle dans ses engagements. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Musijisumbushe na kitu, lakini kwa kila kitu muamini Mungu na mtie tumaini yenu kwa Bwana. Ne vous inquiétez de rien. Usisumbukishwe na kitu. À toute chose. Kwa kila kitu. Toutes choses. Kila kitu. Alléluia. Amen. Que ce soit les frais académiques, que ce soit les loyers, que ce soit les mariages, que ce soit les voyages. Même lorsque tu peux regarder derrière toi et que tu vois qu'il n'y a personne qui a évolué, toi tu vas être la première personne puisque tu es dans la maison de Dieu et que Dieu te dit ne t'inquiète de rien. Crois seulement à Dieu. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais que lorsque tu n'as pas confiance à Dieu, Dieu se demande qu'est-ce que je dois encore faire. Et il y a des gens qui manquent confiance à Dieu, pourtant ils ont même déjà vu les merveilles de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a jamais agi dans leur vie. Vous savez que Dieu s'étonne de nous. Parfois nous disons, moi, je n'ai pas encore de, vraiment de. À cause de peut-être d'autres personnes sont exaucées. Moi, je n'ai jamais été exaucée. Mimi si ajibiliwa. Tu es vraiment sûr que tu n'as jamais été exaucée. Dès le fait de quitter d'abord chez toi pour arriver ici, vraiment, on ne t'a pas cogné. Hakuna malikugonga. C'est pas la main de Dieu. Hiyo siyo mkono wa Mungu. Toi, tu penses que tu es expert à traverser la route. Wewe unajiwazia wewe ni mwenye ujuzi kujua kutambuka barabara. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire confiance en Dieu. Vous savez, une personne qui n'a pas confiance, qui manque. Je peux envoyer Sarah pour lui dire. Comment chercher l'échange ici, chez les échangeurs ici au coin. Si je n'ai pas confiance à elle, je vais la suivre. Je vais la suivre et je vais commencer à les regarder. Est-ce qu'elle ne fouille pas avec mon argent? Et si Sarah est au courant de ça. Un autre jour, je peux l'envoyer. Non. Bien-aimés, nous devons faire confiance à Dieu. Amen. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 19, regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Yesu Kristo anasema katika kitabu kia Mathayo, sura 6, mstari wa 19, tazama ndege hawapande. Mais ces oiseaux-là mangent. Lakini ndege hao wanakula kila siku. Alléluia. Amen. Faisons confiance à Dieu. Tumutilie Bwana tumaini. C'est un Dieu responsable. Ni Mungu ambaye anachukua majukumu yake. Demande à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Bwana okoa roho yangu. Du manque de confiance. Kwa hiyo kukosa tumaini. Délivre-moi, Seigneur. Niokoe Bwana. De ce cœur troublé. Na hiyo roho ambayo imesumbuliwa. Que je sois stable puisque je suis entre tes mains. Ili nitulie kwa kuwa niko ndani ya mikono yako. Le deuxième cœur, c'est un cœur malade. Roho ya pili ni roho ambayo imegonjwa. Proverbe chapitre 13 verset 12. Mezali sura 13 mstari wa 12. La Bible dit un espoir différé rend le cœur malade. Tumaini ambayo inakuwa tofauti inaleta moyo kuwa mgonjwa. Un cœur malade provient. Roho ambayo imegonjwa inatokea. Provient de déception. Inatokea wakati tumekoselewa. Quelqu'un a espéré d'avoir quelque chose, de recevoir quelque chose. Ulifikiria kupata kitu fulani. Et la chose n'est pas arrivée. Na kitu hiki hakikufika. Peut-être que tu as demandé avec ferveur, tu es entré dans un jeûne de 40 jours. Inawezekana umeomba demander quelque chose à Dieu. Et la chose n'est pas arrivée. Ukiomba kitu kwa Bwana na kitu hiki hakikufika. Et tu as été frustré. Na ukashangazwa katika moyo wako. Tu es devenu malade. Na ukawa mgonjwa. Tu as un cœur malade. Una moyo ambao umegonjwa. Et avec ce cœur malade là nous venons dans la maison de Dieu. Na pamoja na moyo huyu ambao umegonjwa. Pour demander des choses à Dieu. Kumuomba Mungu mambo. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi. Est-ce qu'on engage les malades? Je, wanaweza kutia kazi wagonjwa? Est-ce qu'on engage les malades? Je, wanatia kwa kazi wagonjwa? Même à l'hôpital, hata kwenye nyumba ya waganga, vous avez déjà vu un jour où on a dit au malade, quitte ton lit, c'est toi qui vas commencer à torchonner cet hôpital. Umeona wanaambia mgonjwa toka kwenye kitanda chako, niende ambaye utaanza kufanya usafi hapa. Mais dans cet état, nous venons devant Dieu. Lakini katika hali avec des cœurs malades. Na moyo ambao umegonjwa. Seigneur, donne-moi du travail. Bwana nipe kazi. Tu ne sauras pas aller casser les pierres avec un cœur malade. Hautaweza kwenda kuchimba majiwe na moyo ambao umegonjwa. Tu ne sauras pas aller être responsable dans une entreprise avec la maladie. Hautaenda kuwa mkubwa ndani ya kampuni. Tu vas contaminer tous les hommes là-bas. Utawagonjesha wengine huko. On ne connaît même pas si ta maladie est à quel niveau. Hawajui hata magonjwa yako yanakuwa na kiwango gani. Peut-être ça a déjà formé la pile là-dedans. Inawezekana imetia magonjwa ya moyo. Et tu veux commencer à aller déverser cette pile sur les gens. Bien-aimés, nous devons d'abord guérir. Inatubidi tupone kwanza. Il faut guérir avant de chercher du travail. Inatubidi tupone mbele ya kutafuta kazi. Un malade ne peut pas être engagé. Mgonjwa hawezi utiliwa. Et nous voulons que le Seigneur nous utilise même dans son œuvre avec des cœurs malades. Katika kazi yake na moyo ambao umegonjwa. Imaginez-vous un pasteur malade. Fikiria mwenye mchungaji ambaye amegonjwa. Qu'est-ce qui va commencer à cracher si les gens? Ataanza kusema nini hapa mbele? Seigneur, donne-moi le mariage. Bwana nipendoa. Je suis, tu es malade. Uko mgonjwa. Donne-moi le mariage. Nipendoa. Qui va venir épouser un malade? Nani atakuja kumuoa mgonjwa? Hautachunga bunyumba puisque tu es malade. Tu ne sauras pas garder ton foyer. Les malades restent au lit. Wagonjwa wanabaki kwa les malades vont à l'hôpital. Wagonjwa wanaenda kwenye kituo kia waganga. Va d'abord à l'hôpital de Dieu pour enda kwanza kwa kituo kia Bwana ili akuponyeshe. Les anges sont là, ils vont te soigner. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord chercher la guérison de nos cœurs avant de demander des petites choses, les matériels, les postes, les quoi. Inatubidi kwanza tutafute ukuponyeshwa kwa roho zetu mbele ya kutafuta vitu vya kawaida. Imaginez-vous quelqu'un qui est malade. Fikiria mtu ambaye ni mgonjwa. Il va dans une boutique. Anaenda ndani ya duka. Anaujisha. Anaenda uzisha. Il est dans une boutique iko ndani ya duka pour vendre. Kwa kuujisha. Vous savez quelqu'un qui est malade. Unajua mtu ambaye ni mgonjwa. Quand vous venez dans la boutique. Wakati unakuja ndani ya duka. Vous lui dites, tu peux me montrer tes habits. Unaambia anaweza kuonyesha nguo fulani hiyo. Il descend l'habit. Anashukisha nguo. Après tu vois l'autre tu dis, donne-moi un peu ça. Wakati mwingine anasema, nionyeshe ile. Donne-moi la couleur là. Nipatie ile rangi. Il est malade. Yeye ni mgonjwa. Il va te dire toi là. Atakwambia wewe. Eh? On t'a envoyé ici pour venir. Dis, je suis votre travailleur. Mais tu te demandes, mais tu as ouvert la boutique pour que nous puissions venir rentrer. Et on en a mouton à Kouaki à tout ville. Et tu verras une personne. Je me rappelle une fois un jour quand nous étions à Kindu. J'étais parti au marché pour acheter du sel. Pour acheter des vivres et puis je voulais acheter du sel. Je voulais juste te demander le prix. Le sel c'est combien? Au lieu de me donner le prix. La réponse que j'ai reçue, ça sortait vraiment sur une plaie. Si toi tu ne manges pas du sel, c'est ici que tu vas commencer à manger du sel. Va-t'en. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis dit, je me suis seulement tournée. Et je suis allée à côté. C'est ce qui peut produire une plaie. Et il faut regardez beaucoup de gens qui disent vraiment tu m'as blessé quand tu t'es comporté comme ça, tu m'as blessé. C'est pas lui qui t'a blessé. La blessure était là. Elle kutonesha njo. Il a touché seulement son plaie. Djou kile kilonda kinakuwa ka tu parle. Il est toujours là. Alléluia. Amen. Kile kilonda kinakuwa tu parle depuis zamani. Alors quand on essaie seulement de te bousculer un peu, oh, tu me blesses. Et la plaie commence à saigner. Et ces saignements-là, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter le sang qui va sortir de cette plaie. Alléluia. Amen. Bien aimé, cherchons la guérison. Que le Seigneur nous guérisse. Mungu atuponye. Que ce soit la prière de quelqu'un ce soir. Maombi ya mutu jioni Seigneur, guéris-moi. Bwana niponye. Je ne veux pas rentrer avec na kidonda. Je ne veux pas rentrer avec la maladie du cœur. Kurudia na magonjwa ya moyo. Refuse d'être malade. Kataa kuwa mgonjwa. Malgré tout ce qu'on peut te faire. Ijapokuwa yale yote wanapaswa kukutendea. Ces plaies-là proviennent des blessures des gens. Pas toi, litukwaza. Kidonda hiki kinatokea na yale mambo ambayo. Mais bien aimé, nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et Jésus-Christ nous a promis que vous recevrez la bénédiction et les tribulations. Ce n'est pas que ces tribulations, Dieu n'a pas dit que nous recevrons des tribulations pour que ça crée des plaies à nous. Vous savez, lorsque nous sommes déjà dans le Seigneur, la Bible nous dit que nos vies sont cachées à Dieu. Donc pour que quelqu'un nous touche, il faut qu'il touche d'abord Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que nous traverserons par les feux. Toutes ces choses-là qui nous blessent, que nous pensons que ça nous blesse, c'est les faits. C'est ça les faits. Et si moi je suis caché en Jésus, et que je traverse les faits, les faits avant de me brûler, il faut que ça brûle d'abord Jésus. C'est la raison pour laquelle que vous allez passer par la feu, mais le feu là ne va pas vous embraser. Bien-aimé, Mpendwa, cherche la guérison. Tafuta uponyaji. Pour que les choses qui vont commencer à se passer, mutu alikwambia taka kitu ka kiloko hapa usianje sema oh unanilumiza. Basi kwa na kutonesha kwa ile kilonda. Qu'on ne puisse pas chaque fois te blesser sur ton plein. Cherche la guérison. Faut pas garder la blessure. Cette plaie là, si tu continues à la garder, ça va s'infecter. Kidonda hiki ukiendelea kukichunga ndani yako kitaleta madhara mengi. Expose ta plaie au Seigneur pour qu'il te soigne. Kidonda chako mbele ya Mungu ili akuponyeshe. Pour que la plaie guérisse. Amen. Kidonda hiki kipone. Amina. Le troisième cœur, c'est un cœur amer. Roho ya tatu ni roho yenye uchungu. Un cœur amer. Roho yenye uchungu. Hébreux chapitre 12 verset 15. Wa Ebrania sura 12 mstari wa 15. La Bible nous dit: Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Et que plusieurs ne soient affectés. Tukeshe ili neema ya Bwana inayokuwa isikutane uchungu ndani ya moyo wetu na isikutane hiyo mizizi ambayo inatesa moyo wetu. Na watu wengi wasikuje kwa Bwana. Roho ambayo yenye roho yenye uchungu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Tukeshe ili mtu asikose neema ya Bwana. Asike aucune racine d'amertume. Na hata miba moja ya uchungu. Vous savez que un cœur amer. Roho yenye uchungu. Quand on a l'amertume dans le cœur. Wakati una uchungu ndani ya moyo. Cette amertume là. Uchungu huo. Vous allez commencer à la contaminer. Utaanza kuiambukizia. Aux gens. Watu. Dieu vous a placé dans votre famille pour être une source de bénédiction. Mungu amekutia katika jamaa yako ili uwe chemchemu ya baraka. Mais lorsque dans votre cœur il y a l'amertume. Lakini katika moyo wako mnapokuwa uchungu. Au lieu que vous puissiez être une source de bénédiction. Kuliko ukuwe chemchemu ya baraka. Vous allez être une source d'amertume. Utakuwa chemchemu ya uchungu. Et cette amertume, vous risquez de la répandre sur tout le monde dans la famille. Na uchungu huo unaleta juu ya watu wote wa jamaa. L'amertume provient aussi des offenses. Uchungu unatokana pia na mabaya. Lorsque vous ne voulez pas pardonner. Wakati hauwezi kusamehe. Votre cœur va devenir amer. Moyo wako utaendelea kuwa uchungu. Si par exemple il y a un choriste qui avait pris, quelqu'un qui a un cœur d'amertume. Kwa mfano kuna si y a un choriste qui avait pris sa dette. Kwa mfano kuna mwimbaji mmoja ambaye amechukua deni ya huyu mtu ambaye anakuwa na moyo wa uchungu. Et qu'il n'a pas payé peut-être par manque de possibilité. Na hakulipa, inawezekana hakupata hiyo pesa. Si y a l'amertume qui s'est déjà créé dans votre cœur. Kama kuna uchungu ambao umeingia ndani ya moyo wako. Chaque fois que l'union musicale va commencer à s'élever. Kila wakati wa kwa cette amertume là va commencer à inakuwa sa citron yenye inafunyangiwa. Inatupa kabuchungu. Ça deviendra comme un citron qu'on a pressé. Vale ba imbaji. Et le choriste, on a parlé. Tu le vois là-bas. Havali pa ke deni. Il ne paye pas les dettes. Usi pime danganyika kukopesha mwimbaji wa mwari. Et la personne qui a attendu ça. Na mtu ambaye amesikia haya. Va dire. Lazima ndio. Un autre choriste quand il viendra. Na mwimbaji mwingine atakapokuja. Personne connaît ça. Huyo mtu anajua hiyo. On m'avait dit que les choristes ne paient pas. Waimbaji hawalipaki. Qu'est-ce que tu as fait? Ulifanya nini? Tu as contaminé ton amertume. Ulitia hiyo uchungu wako. Bien-aimé. Mpendwa. Nous devons cesser. Tunabidi kuacha. Devons chercher. Tunabidi kutafuta. Ce soir nous sommes à l'hôpital de Dieu. Jioni ya leo tuko kwenye kituo cha waganga ya Mungu. Presse ton cœur pour sortir toute amertume dans ton cœur. Wakati Mungu anafunyanga moyo wako kutosha uchungu wote ndani ya moyo wako. Nous devons quitter à ces lieux guéris. Tunapasha toka mahali hapa tumepona. Amen. Lorsque l'amertume remplit le cœur, rien de bon ne peut sortir. Wakati uchungu unajaa moyo wa mtu, hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza kutoka ndani ya moyo. Même quand il peut prononcer une parole, ce sont des paroles amères, les paroles de l'amertume. Hata wakati akitoa neno, ni neno ambayo imejaa uchungu. Les paroles qui lorsque tu attends cette parole, tu as la chair de poule, tu te dis. Wakati unasikia neno hii unashtushwa. Cette personne ne contrôle pas son langage. Ce n'est pas un problème de contrôler le langage. Ça provient du cœur. Inatoka ndani ya moyo. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mpendwa. Accepte que le Seigneur sauve. Itika Bwana aokoe roho yako. Soigne ton cœur ce soir. Aponye roho yako jioni ya leo. Le quatrième cœur. Jambo la ine. C'est un cœur hautain. Un cœur orgueilleux. Vous savez que avoir l'orgueil, ce n'est pas nécessairement qu'on a l'argent. Il y a déjà orgueilleux pieds nus. Il n'a même pas de babouche. Mais il est rempli d'orgueil. Tu le vois comme il est en train de marcher. Donc il est comme ça, tu te dis. Ah. Et vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose qui dort là à l'intérieur. Mais si on essaie seulement de bouger seulement un peu comme ça, vous allez voir que ça va surgir. C'est comme un verre rempli d'eau. Quand un verre est rempli d'eau, lorsqu'il est là-bas, donc c'est plein jusqu'au bout. Quand vous les regardez, vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'il y a de l'eau. Puisque l'eau n'a pas de couleur. Mais poussez seulement à côté du verre. Bousculez seulement les verres. Vous allez voir que l'eau va s'arrêter. Et c'est ça. Nani hiyo, c'est comme ça. Ni hivyo, avec l'orgueil. Kiburi nakuwa. Quelqu'un qui a l'orgueil ne supporte pas de voir qu'un autre orgueil se met à côté. Mutu ambaye anakuwa na kiburi, hafuonaki, hapendeki aone mwingine wa kiburi pembeni yake. Non. Apana. Directement son orgueil. Donc, il ne faut pas qu'on les touche. Parce que ces verres-là, si tu essaies seulement de les toucher un peu, l'eau va se renverser. Cet eau-là ne peut pas se maîtriser dans les verres. Et une personne qui a un cœur orgueilleux, si tu essaies seulement de les toucher un peu, directement l'orgueil se réveille. Et avec cet orgueil, tu veux que Dieu te bénisse. La bénédiction va se poser où? Baraka itakaa wapi? Puisque même si on t'engage aujourd'hui, kwa kuwa hata wakakutia kwenye kazi leo, avec ton orgueil, pamoja na kiburi, tu voudras piétiner tout le monde là-bas. Unatamani wakanyagie watu. Et tu ne feras pas des jours, on va te chasser. On va te mettre à la porte. Dieu, Seigneur, je suis en train de te demander du travail. Mais Seigneur, je veux que tu brises d'abord cet orgueil dans mon cœur. Pour que cet orgueil ne soit pas une entrave, même dans la bénédiction que tu vas me donner. Tu es une jeune fille et tu veux te marier. Plein d'orgueil. Mais il y aura des coqs qui vont chanter dans la maison. Quel mari va te supporter? Et nous avons dit que chaque personne a sa place. Une personne orgueilleuse ne peut pas vouloir qu'on puisse régner sur lui. Il veut que lui soit au top de toutes choses. C'est lui qui veut régner partout. C'est lui qui veut dire les derniers mots. Même quand vous êtes dans un débat, il voudra que, avant de mettre le point final, même quand vous avez dit nous avons fini, faisons la prière finale. Vous priez, mais il va encore ajouter ça. Bien-aimé, avec cet orgueil-là, pamoja na hiyo roho ya kiburi, il n'y a pas de place. Hakuna fasi pour l'exaucement. Kwa maombi kujibiliwa. Il n'y a pas de place pour la réussite. Hakuna nafasi ya kushinda. Puisque quelqu'un d'orgueilleux, kwa kuwa mtu wa kiburi, même quand vous pouvez venir lui donner un conseil, hata kama utakuja kumpatia ushauri, il pense que quelqu'un d'autre ne connaît rien. C'est lui. Anawaza mtu mwingine hajue kitu. C'est lui qui est sage, c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui a des stratégies, c'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui sait faire des choses. Yeye ndiye anajua kutenda vitu vyote. Et cet orgueil-là va te tuer. Na kiburi hiki kitakuua. Tout le monde saura que tu n'écoutes personne. Kila mtu atajua kama hausikii yake mtu. Et on va te laisser comme ça. Na watakuacha hivyo. Même quand il y aura un danger, hata kama kutakuwa shida, personne ne viendra te prévenir. Hakuna mtu atakuja kukuharifu. Demande à Dieu, Seigneur. Ambia Mungu Bwana. Je ne veux pas rentrer avec cet orgueil. Il faut te révolter contre cet orgueil qui est dans ton cœur. Kiburi hiki ambacho kinakuwa ndani ya moyo wako. Nous voulons réussir dans la société. Comment est-ce que nous allons réussir avec l'orgueil? Vous voulez commander toutes choses. Or, Dieu a établi l'ordre qu'il y aura toujours des chefs et des subalternes. Que tu les veilles ou pas, c'est ça. Et si tu arrives quelque part et qu'il y a chef, tu es obligé de te soumettre à ce chef-là. Si tu ne veux pas te soumettre, va dans la brousse. Va régner sur les animaux. Puisque toi, tu pourras dire un langage différent de ces animaux. Mais tant que tu voudras vivre avec les gens, il faut respecter les limites. Alléluia. La Bible nous dit, Bible Proverbe chapitre 16. Mezali sura 16. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Roho yenye kiburi iko mbali na Bwana na haitabaki bila kuadhibiwa. Vous savez les gens orgueilleux. Unajua watu wenye kiburi? Même quand il entre à l'église. Hata kama akiingia kanisani. Il veut que tout le monde sache qu'il est. Anapenda kila mtu ajue kama ameingia. Mise en place terminée. Nafasi yote imeshikiliwa, waongozi wanaingia. Donc il veut se faire remarquer partout. Anapenda ajionyeshe fasi yote. Qu'on sache que c'est lui qui est là. Wajue kama ni yeye ndiye amefika. Bien-aimés, nous sommes dans la maison de Dieu. Il faut que nous puissions laisser Dieu travailler sur nos cœurs. Il ne faut pas que lorsque nous rentrons dans la cité, et ceux qui sont dans la cité se disent, oh, mais ils nous ressemblent toujours. Ils te connaissent orgueilleux avant ta conversion. Et après ta conversion, tu es toujours la même personne. Ce n'est pas bon. Nous devons changer. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin. Uliza aliye pembeni yako. Qu'est-ce qui est couché là-bas dans ton cœur? Nini ndio nakwenda ndani ya moyo wako? Ici là, on ne peut même pas savoir. Hatuwezi jua. Ces orgueils là sont couchés là-bas. Hawa wenye kiburi wamelala huko chini. Calmement. Kimya. Mais il s'agit seulement de te bousculer. Et ça va se réveiller. N'accepte pas de garder, de continuer à garder l'orgueil dans ton cœur. Alléluia. Amen. Puisque l'orgueil n'est pas visible. Kiburi haionekane. Mais Dieu voit cet orgueil-là. Lakini Mungu anaona la Bible nous dit que Dieu sonde nos cœurs. Biblia inatuambia Mungu anachunguza mioyo yetu. Et il n'y a que lui. Na ni yeye mwenyewe. Qui peut nous délivrer de anaweza kutuponya na mambo haya. Il connaît toutes choses. Anajua mambo yote. Rien n'échappe à son contrôle. Hakuna kitu ambacho kinapita juu ya macho yake. Vous savez que quelqu'un qui est orgueilleux. Unajua ya kwamba mtu ambaye il est en train de faire comme le diable. Iko anatenda kama vile shetani. Le diable Lucifer, il a manifesté l'orgueil au ciel. Shetani alionyesha kiburi mbinguni. Et le Seigneur l'a précipité. Na Mungu akamwangusha. Donc, lorsque vous voulez continuer à garder l'orgueil dans wakati votre vie, ndani ya kiburi moyo vous êtes en train de vous opposer à Dieu. Na Mungu. Un jour, ne vous étonnez pas d'être précipité. Siku moja usishangazwe Mungu anakuangusha. Alléluia. Amen. Demande à Dieu, Seigneur, ne me lève pas tant que je suis encore orgueilleux. Ambia Bwana, usiniache nisimame kama ningaliki kiburi. Seigneur, ne me bénis pas tant ambia que je Mungu, suis encore orgueilleux. Ambia Mungu, usinibariki wakati ningaliki na kiburi. Shuha tutakunya tena mai. On ne boira plus de l'eau ici. Musoge. Pousse là-bas, pousse un peu. Dieu attend. Que cet orgueil-là soit brisé. Mungu anangoya hiki pour qu'il hiki te donne ce que tu es en train de demander à Dieu. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Le cinquième cœur, c'est le cœur jaloux. Roho ya tano ni roho yenye wivu. Un cœur jaloux. Roho yenye wivu. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 6, verset 34. Neno la Bwana natuambia katika kitabu kia Mezali, sura 6, mstari 34. Car la jalousie met un homme en fureur. Wivu inamtia mtu katika kiburi. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Na anakuwa bila huruma siku ya kujilipizia kisasi. Un cœur jaloux. Un cœur jaloux ne supporte pas que l'autre soit béni. Roho yenye wivu haifurahii wakati mwingine anabarikiwa. Donc il veut que tout soit pour lui. Yote qu'il soit le premier à recevoir toutes choses. Lorsque quelqu'un peut même venir avec un témoignage ici devant mutu kuja hata na pour dire Gloire au Seigneur, le Seigneur m'a fait ceci, ceci, ceci. Même si apparemment la personne peut acclamer, il acclame pour ceux qui sont autour de lui, pour qu'il ne s'étonne pas. Mais à l'intérieur, ça fait mal. Quand tu peux venir lui dire, tu vois la voiture là qui est là-bas, ça c'est ma voiture, le Seigneur m'a béni. Il dit, pour toi? Et puis il se tourne. Et puis quand il prend conscience que c'est comme s'il risque de remarquer que je... Félicitations. Il n'est pas content quand les autres sont bénis. Même quand on peut être ici en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il ouvre les yeux. Alléluia. Il regarde à côté. C'est lui aussi qui commence à porter les bazés riches. Alléluia. Il est dans l'église. Vous pouvez le voir et penser qu'il est en train d'adorer. Il n'est pas en train d'adorer. Jalousie n'attend mouille. Mais quand il le regarde comme ça, ah, ça c'est une bonne sœur. Ça c'est un bon frère. La jalousie endormie là à l'intérieur de son cœur. Il ne veut pas voir les autres bénis. Il ne veut pas voir les autres épanouis. Il est jaloux. Et cette jalousie le ronge. Et quand quelqu'un peut être béni comme ça, peut-être c'est son ami. Il n'a pas été malade. Tu vas voir, il commence à maigrir. Il manque l'appétit. Il n'a pas de joie. Vous vous demandez, ma sœur, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas se dire? Oh, tout va bien, ça va. Mais tu es en train de lui-même connaître qu'il y a quelque chose qui le range là à l'intérieur. Comment est-ce que le Seigneur va t'écouter avec des attitudes comme ça? Et c'est comme ça que nous venons devant Dieu. Et nous passons 30 jours en train de faire les grèves de faim. Et nous pensons que le Seigneur va nous exaucer avec cette jalousie. Bien-aimé, demande à Dieu de te donner la capacité de louer Dieu lorsque l'autre est béni. Puisque le fait que le Seigneur bénisse ton voisin, c'est un signe que le Seigneur est en train d'agir. Et qu'à la prochaine occasion, ça va être ton tour. Alléluia. Amen. Cœur jaloux. Et c'est comme ça que les gens développent les jalousies. On apprend seulement que Moutou Alipoké Ali Kelemba. Banenda Moua. Nani hivi ndivyo watu wanaendelea kutia hiyo roho yenye wivu. Kelemba ya $100. C'est ce qui fait que les gens s'entretuent, se donnent le poison. Vous pouvez vous imaginer qu'à l'église, c'est plus qu'il y a des jaloux qui se cachent là-bas. Bien aimé, je suis en train de te dire ce soir, si tu es présent dans cette rencontre, et qu'à cause de ta jalousie, tu continues à distribuer le poison aux gens et d'organiser le meurtre. Le Seigneur ne te bénira jamais. Tu te fatigues pour rien. Tu peux seulement rejoindre les gens qui sont là dehors. Puisque tu es en train de passer ton temps, tu gaspilles ton temps, tu pouvais faire autre chose. Alléluia. Amen. Seigneur, délivre-nous de la jalousie. Aide-moi, Seigneur, à me réjouir de la bénédiction. C'est ce qui doit être notre prière. Si tu sens même qu'il y a quelque chose, hein, quand quelqu'un te dit quelque chose, où tu vois que... Roho yako haifurahi sana kwa sababu mimi mwenye Mungu angeanza pati. Déjà ça c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prie pour ça. Commence déjà à combattre ça pour que ça ne bloque pas ta bénédiction. Alléluia. Amen. Le sixième cœur, c'est le cœur insensible. Jambo la sita ni roho ambayo haishtushwe. Un cœur insensible. Roho ambayo haishtushwe. La Bible dit dans Psaume chapitre 119 verset 70. Biblia inatuambia katika kitabu kia Zaburi sura 119 na mstari wa 17. Je précise la première partie. Le cœur est insensible comme la graisse. Biblia inatuambia roho haishtushwe kama vile mafuta. Roho ya mtu ishakuwa sawa mafuta. Roho ya mtu inakuwa kama vile mafuta. Donc lui même yeah, quand il vient lui dire quelque chose, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il est seulement comme ça. Il a un cœur plat. Une personne comme ça, même lorsque la parole est prêchée, tellement que son cœur est comme l'huile. Toute chose qu'il reçoit glisse. Et il n'y a rien. Vous savez, s'il y a de l'huile quelque part, et que vous mettez une goutte d'eau dans cette huile, l'eau reste au-dessus. L'eau ne va pas descendre. Et c'est comme ça un cœur insensible. Lorsque même tu peux venir, on a quelqu'un à ma vie foukoutou. Ma sœur, tu sais que le Seigneur m'a béni. Vraiment. Il te regarde. Je pensais qu'il allait se réjouir avec moi. Une personne comme ça, tu viens même. Oh, vraiment. On vient de voler mon argent. Tu penses qu'il va te consoler. Non. Rien ne lui fait ni chaud ni froid. Il a un cœur plat. Acclamons notre interprète. Alléluia. Amen. Nous voyons ceci dans l'histoire de Jacob. Genèse chapitre 45, le verset 26, vous allez lire ça à la maison. Jacob, lorsque son fils Joseph a été vendu par ses frères. Yakobo wakati mtoto wake Yusufu ameuzishwa na ndugu zake. Ses enfants l'ont fait croire que Joseph est déjà mort. Watoto wake walimuonesha ya kwamba Yusufu amefariki. Et vous connaissez l'histoire quand ils sont partis en Égypte pour chercher les vivres. Na unaelewa hiyo historia wakati walipoenda huko Misri kutafuta chakula. Ils ont rencontré Joseph. Wakakutana Yusufu. Et toutes les cérémonies là de présentation et tout ce qui s'est passé. Na mambo yote yalipitika huko. Et lorsque Joseph les envoie pour dire « Allez amener mon père », la Bible nous dit que le cœur de Jacob est resté froid. Le cœur est resté froid. C'était son enfant bien-aimé. S'il avait encore un cœur normal, avec la bonne nouvelle qu'on avait amenée que Joseph vit, il allait se réjouir. Mais la Bible nous dit que son cœur est resté froid. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Quand ton cœur est froid comme ça, le Seigneur peut même te donner une parole de bénédiction. Un rêve pour toi. Tellement que cette chose-là, cette parole ne va même pas entrer dans ton cœur. Tu ne vas pas croire. Il y a plus de fois pour un cœur froid. Un cœur insensible. Il ne peut pas croire. Alléluia. Amen. Demandons la guérison que le Seigneur guérisse. Nous sommes presque à la fin. Et nous allons demander à Dieu. Le Seigneur nous a dit que je changerai vos cœurs. Je vais transformer vos cœurs pour vous donner un cœur de chair. Et le septième sorte de cœur, c'est le cœur pur. Matthieu chapitre 5, le verset 8, la Bible nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu sura 5 mstari wa 8 nasema heri wenye moyo safi maana wao watamuona Bwana. Dieu veut que nous puissions avoir un cœur pur. Mungu anapenda tukue na moyo safi. Dieu veut purifier nos cœurs. Mungu anapenda asafishe. Dieu veut ôter l'amertume. Mungu anapenda Dieu veut ôter la maladie. Dieu veut ôter l'insensibilité dans nos cœurs. Il veut nous donner un cœur pur. Anapenda kutupatia moyo pour que nous puissions voir Dieu. Ili tuweze kumuona. Heureux ceux qui ont le cœur. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu juste pour les choses de la terre. Nous venons dans la présence de Dieu puisque un jour nous voudrions le voir et vivre avec lui éternellement. C'est la raison pour laquelle nous devons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pur. David a compris cela et il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Que cela soit ta prière ce soir. Le dernier, c'est le cœur honnête. Jean chapitre 1, verset 47. Jésus dit, voyez venir Nathanaël. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Cela doit être le témoignage de Dieu pour chacun de nous. Puisque c'est le témoignage de Dieu sur nous qui est vrai. Les gens peuvent donner des faux témoignages sur nous puisque eux voient ce mal extérieur. Mais nous avons besoin du témoignage de Dieu. Lui qui sonde nos cœurs, lui qui pénètre les profondeurs de nos cœurs, lui qui connaît ce qui fait souffrir nos cœurs. Nous avons besoin de ce témoignage, car ce témoignage est vrai. Bien-aimé, tu dois désirer le témoignage de Dieu. Jésus-Christ a témoigné sur Nathanaël. Voici cet Israélite. Dans son cœur, il n'y a pas de fraude. Jésus-Christ a regardé dans son cœur et il a dit que ça, il est vrai. Et en dehors et en dedans. Lorsque quelqu'un le voit, il trouve et c'est ce qui est dans le cœur. Puisque c'est ce qui est dans le cœur qui transparaît à l'extérieur de nos vies. Alléluia. Amen. Si Dieu pouvait dire cela, si chacun de nous. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner un cœur honnête. L'honnêteté. Lorsque vous dites quelque chose, et quand on vérifie, on trouve que c'est vrai. Et quand on peut même demander le témoignage de Dieu, que Dieu témoigne que c'est vrai. Alléluia. Amen. Il y a aussi un cœur droit, un cœur sincère, un cœur de dévouement. Nous devons désirer cela, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. Tutaishia hapo. Et nous allons prier. Na tutaomba.